A clatter that day. Je suis vaincu. Jelly, sandwich sur mes lèvres, sur mes dents. Je t'aime à jamais, je t'aime pour plus tard.